Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième numéro de À la rencontre d'auteurs. C'est Chris et aujourd'hui nous rencontrons Gauthier Durieux de Madron pour son livre auto-édité Au nom des dieux, de l'eau et du sang, livre 1 Destiny Manifeste. Bonjour Gauthier. Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Ouf, en quelques mots, Donc moi c'est Gauthier Durieux de Madron, comme j'aime à le dire, nordique d'apparence mais sudiste d'état. Je suis donc un jeune auteur issu de la région de Provence et ça fait maintenant un peu plus de 3 ans, bientôt 4, que je me suis lancé dans l'aventure de l'écriture. D'accord. Avec des récits très inspirés des différentes mythologies qui ont parcouru notre monde et qui sont pour moi un véritable moteur et une véritable source d'inspiration au quotidien. D'accord. Donc votre livre Au nom des dieux, c'est pas votre tout premier livre ? Si, c'est le tout premier. C'est le tout premier publié, c'est même le tout premier écrit. D'accord. Mais ce ne sera certainement pas le dernier. Parce que comme le sous-entend le sous-titre, livre 1, Destiny Manifeste, donc vous sous-entendez qu'il va y avoir d'autres livres au nom des dieux? Alors, oui, et pas forcément de la façon dont on le croit. Il va y avoir un livre 2 à l'histoire de l'eau et du sang, mais il y aura également d'autres histoires dans l'univers au nom des dieux, qui seront parfois liées, parfois non, aux précédentes, créant ainsi un véritable univers littéraire, vaste et dense parce que, comme je le dis, je m'inspire de toutes les mythologies et toutes les mythologies, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel et ça ne peut pas concerner qu'une dizaine de personnes une seule fois dans le temps. Parce que votre livre pour lequel on fait l'émission aujourd'hui, il fait pas loin de 600 pages. Combien de temps ça vous a fallu pour l'écrire? Alors, je n'ai pas compté par tome, j'ai compté pour les deux en même temps, parce que je les écris d'affilée. D'accord. À la suite. Pour l'écrire, il m'a fallu 18 mois, écrire les deux tomes, et j'ai passé après une année à le corriger. À le corriger, à réécrire des parties, à le retravailler par moment. Donc, on peut dire un peu plus de 3 ans. D'accord. Donc, comme je l'ai dit en introduction, ce livre est en auto-édition. Pourquoi avoir choisi l'auto-édition ? J'ai passé un long moment, un an et demi, presque deux ans, à chercher un éditeur, à chercher dans la voie classique. D'accord. Et puis j'ai très souvent été refusé. Les quelques-uns qui me répondaient étaient souvent des éditions à compte auteur, donc qui sont... dans le milieu très vite considéré comme des arnaques où on est censé débourser 2000, 4000, 8000, 10 000 euros qu'on m'a demandé un jour pour pouvoir publier le livre. Et en plus, il se contentait juste du strict minimum en termes de promotion. C'était à l'auteur de tout faire. D'accord. Donc j'ai beaucoup cherché. J'ai également rencontré des vraies maisons d'édition, des maisons d'édition tout à fait honnêtes, qui pouvaient m'avoir refusé et avec qui ça avait pu déboucher sur des entretiens très complets ou alors simplement un mail de refus. Mais à force de chercher, je me suis demandé si la voie de l'auto-édition n'était pas plus intéressante. Et j'en ai parlé avec des amis, avec des connaissances, avec des entrepreneurs et on en est venu à la conclusion que c'était effectivement la meilleure voie de nos jours pour lancer un livre. Ça fait beaucoup plus de travail, mais c'est beaucoup plus gratifiant. D'accord. Comment décririez-vous ce roman qui ne ressemble à aucun autre et avec des phrases, des tournures de phrases et des actions qu'on voit très rarement ? Oh ! Vous me surprenez, j'avoue que je ne me considérais pas comme aussi original. Comment je décrirais ce roman ? Le terme saga commence à être beaucoup utilisé à tort et à travers, même si je pense que, étant donné que les sagas nordiques notamment retraçaient les histoires de héros et de mythes, de héros légendaires et des dieux, je pense que le terme saga est tout à fait approprié. D'accord. Il s'agirait en fait donc, pour faire très très simple, d'une retranscription classique, des mythes classiques dans un contexte moderne, une réadaptation en fait de certains mythes, de certaines aventures très très connues de nos jours, mais dans un contexte beaucoup plus moderne, une remise au goût du jour, un déterrage de certaines histoires. Parce qu'aujourd'hui, la mythologie a le vent un peu en poupe, grâce à certains médias, notamment Marvel, qui a remis au goût du jour la mythologie nordique. Merci à eux, d'une certaine façon. Mais si je m'intéresse aussi bien aux mythes très connus et aux mythologies populaires, j'aime bien aussi aller chercher du côté de celles qui ne sont pas tant exploitées que ça. D'accord. Donc, maintenant, parlons de la couverture qui est plutôt intéressante, avec, pour la description pour nos auditeurs, un fond de carte où nous voyons une partie du sud de l'Amérique, donc de l'Amérique du Sud brûlée, donc du côté du Brésil, et un revolver en haut à droite, et ce qui semble être un collier avec le début d'un pendentif en bas à gauche. Pourquoi avoir voulu que la couverture du livre ressemble à ça? Alors déjà, je vais en profiter juste pour remercier un ami et l'excellent dessinateur qui a fait intégralement à la main, au détail près, la couverture, monsieur Laoussaï Auriel, qui est un designer de génie, je n'ai pas d'autre mot. Alors, pourquoi avoir fait la couverture dans cette façon? Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, un visuel que j'aime beaucoup, c'est le visuel du bureau de travail encombré. D'accord. Et donc, j'avais voulu retransmettre ça. L'idée, c'est d'avoir cette carte qui fasse un peu ancienne, un peu prophétique, un peu parchemin, mais qui pourtant retranscrit quelque chose de moderne, parce que toutes les visions, c'est dans un style très occidental, je ne vais pas le cacher. Aussi, toutes ces visions-là montraient une carte ancienne qui désignerait l'Amérique du Sud, l'Amérique moderne en flammes. D'accord. C'est déjà quelque chose qui est assez percutant. Ensuite, c'était l'idée d'avoir tout le matériel étalé sur la table, avec à l'arrière sur le dos du livre, on trouve des photos, on trouve des drachmes, le pendentif, le pistolet, les balles. Et en fait, c'était vraiment le matériel un peu étalé, comme si on était en train de travailler, comme si on était justement affairé à essayer de comprendre qu'est-ce que cette carte voulait dire. D'accord. Tout en ayant tout son matériel étalé. Et en même temps, les objets sont liés à plusieurs personnages. Le pendentif, en forme de Mjolnir, le marteau de Thor, est lié au personnage de Soren. Oui. Et le revolver est lié au personnage de Lucie. Tout à fait. Les drachmes. Oui. Donc voilà, c'était vraiment cette idée de retranscrire le plan de travail encombré et en même temps de mettre des objets en lien avec les personnages. Et également en lien avec le contexte de l'histoire, vu que nous voyons que du côté du Brésil et Brasilia, ça brûle. Et c'est le contexte de votre livre où qu'il y a une révolution qui éclate au Brésil. Exactement. Je suis parti de là pour le livre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi Brasilia, pour lesquelles j'ai choisi le Brésil. L'une d'entre elles est un facteur fantastique présent dans le livre. Je ne sais pas si je ne devrais le dire pour les auditeurs, vu que c'est l'un des points d'intrigue les plus importants. Bien sûr. Mais donc il y a un facteur fantastique qui est présent là-bas. Mais également, je voulais, il y avait deux autres raisons, je voulais déjà sortir de la vision de la pop culture américaine, surtout occidentale, qui nous offre la Troisième Guerre mondiale comme étant un conflit soit sino-américain, soit russo-américain. Je voulais sortir de ce cliché-là. Mmh. Et en même temps, je me suis basé sur l'actualité qui avait touché le Brésil, les grandes manifestations, les périodes même de révolte et d'émeutes qui avaient secoué le Brésil vers 2015, en plus. Et qui avait à un moment, les médias parlaient presque de révolution, mais ça n'a pas abouti. Et là, justement, je pars du postulat que un leader s'est levé, et justement, ces révolutions ont fini par aboutir. D'accord. Donc, comme vous le dites sur la quatrième de couverture, cette fois, donc, ce roman, c'est un roman fantastique. Pourquoi avoir fait le choix d'écrire un roman fantastique? D'où vous est venue cette idée? Parce que j'adore ça. D'accord. Simplement. Non, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé le fantastique, car c'est vraiment cet aspect notre monde, mais avec quelque chose derrière, quelque chose de dissimulé. Et je pense que c'est un rêve que beaucoup de gens, dont moi, je ne vais pas me cacher, partagent, à savoir celui de découvrir, de retrouver un peu de magie dans notre monde, un peu d'irréel, un peu de fantastique, justement, pour lui redonner des couleurs. D'accord. Donc je vous propose que nous nous lancions tout de suite dans une première pause musicale. Nous allons écouter Sabaton avec Seven Pillars of Wisdom, et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous venez d'écouter Sabaton avec Seven Pillars of Wisdom. Je le rappelle, c'est vous qui avez choisi les pauses musicales. Pourquoi avoir choisi cette chanson et ce groupe en particulier pour la première pause ? Alors déjà, cette chanson est une chanson que j'adore, vraiment, j'adore ce groupe. C'est un groupe de heavy metal suédois qui est très porté sur l'histoire militaire, et mon roman déjà se passant en contexte très guerrier, très militaire justement, a pu bénéficier de l'inspiration qu'ils m'ont fournie. Et également, il s'avère que justement, pour un peu de crédibilité, un peu plus de crédibilité, j'avais voulu inclure dans le roman la citation d'une de leurs chansons. D'accord. Et pour ça, parce que je crois qu'on a le droit, pour éviter sans problème de droit d'auteur, de citer des marques, des éléments, sans rentrer dans les détails. Et dans le doute, étant jeune auteur, je ne savais pas, j'ai contacté le groupe pour leur demander la permission de mettre le nom, le titre de la chanson, et ils m'y ont autorisé. D'accord, donc oui, comme vous le dites dans la partie remerciement, donc tout à la fin du livre, je cite, « Au groupe de heavy metal suédois Sabaton, qui m'a autorisé à le citer dans mon récit, leurs albums m'auront permis de travailler de nombreuses heures sur ce projet. » Vous le dites à la fin. Donc quand vous écriviez, vous écoutiez leurs chansons ? Oh, pas seulement les leurs, j'en écoutais beaucoup. La musique est pour moi un moteur d'inspiration absolument fantastique. Les chansons du groupe Sabaton en particulier sont particulièrement inspirantes, très motivantes, très énergiques, puissantes, avec des chœurs en veux-tu, en voilà, avec des solos de guitare particulièrement puissants et inspirants. Donc c'était pour moi l'un des meilleurs moyens de me motiver. Mais je n'ai pas écouté que, j'en ai écouté beaucoup, et justement, ça me permet, la musique me permettait par moments d'associer à certaines scènes, certains morceaux musicaux qui me permettent, qui faisaient vivre vraiment la scène, qui donnait beaucoup plus d'ampleur. D'accord. Donc, notamment au début du livre, l'histoire se passe dans différentes villes, voire même dans différents pays, comme par exemple avec la France, avec le personnage de Lucie. Pourquoi avoir fait le choix de ces pays comme décor de votre roman ? Je voulais que ça puisse toucher beaucoup de monde, parce que en soi, les personnages sont impactés par des événements qui pourraient impacter n'importe qui. Donc d'un côté, je voulais vraiment impacter du monde, mais en même temps, j'en me suis rendu compte que les probabilités pour que ils soient tous d'un pays différent, parce que dans le récit, il y a deux Français, il y a deux Américains, et donc les probabilités pour que ça ne touche que des personnes d'un pays différent, qu'ils soient réunis ensemble et que l'histoire les concerne, étaient à la fois très faibles et en même temps très grandes. C'est vrai que sur les 7 milliards d'individus qui peuplent notre Terre, que ce soit ces 6-là qui soient concernés, en particulier, la probabilité restait faible. Mais je voulais un petit peu de diversité et en même temps me baser sur des cadres que je connaissais. Français, donc ça c'est facile. J'ai pu vivre pendant un temps en Suède, j'ai pu aller en Autriche, j'ai pu aller en Amérique du Nord, donc je me suis basé sur des éléments que je connaissais. D'accord. Donc justement, dans ce roman, vous exposez différents points de vue de plusieurs personnages, comme le personnage de Cristobal, qu'on ne voit d'ailleurs qu'au début du roman, Lucie, Soren, Amanda, etc. Donc pourquoi avoir pris cette décision d'exposer plusieurs points de vue ? C'est une excellente question à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir une réponse concrète. En fait, j'ai beaucoup de mal à écrire à la troisième personne. D'accord. J'écris plus facilement à la première, mais je voulais en même temps permettre de suivre plusieurs personnages dans des lieux différents. Et donc, ça m'est venu vraiment instinctivement d'écrire à la première personne. Et de varier les points de vue pour justement permettre d'offrir plusieurs angles d'approche et en même temps de vraiment pénétrer la psychologie des personnages, de vraiment pénétrer le personnage, de vraiment l'accompagner et de pouvoir le développer beaucoup plus en profondeur. D'accord. Donc justement, le personnage de Cristobal apparaît donc au début du roman. C'est d'ailleurs lui qui trouve un coffre avec une lance à l'intérieur. Mais il disparaît dans la suite du livre. Pourquoi l'avoir fait disparaître ? Eh bien, parce que, comment dire, Cristobal est l'antagoniste. Cristobal est le. Mais je voulais également qu'on puisse se rendre compte que l'antagoniste n'était pas forcément le mal incarné, puissant et lointain, comme pouvait l'être Sauron dans la saga du Seigneur des Anneaux, qui est l'incarnation d'un mal absolu, lointain et indicible. Non, je voulais montrer ici que le pouvoir, et par les autres personnages en même temps, je vous montrais que le pouvoir pouvait mener aux plus grandes choses et aux plus merveilleuses, tout comme pouvait mener aux plus viles. Et c'est motivé par les meilleures intentions, c'est motivé par vraiment un véritable désir de bien faire, que Cristobal va sombrer dans le chaos et la vilénie. D'accord. Donc dans votre roman, chaque personnage a un caractère totalement différent. Par exemple, Soren, c'est le géant fonceur. Lucie, elle essaie d'être plutôt raisonnable, etc. Donc, était-ce important pour vous de faire plusieurs personnages avec des caractères tous différents ? Oui. Je tenais vraiment à ce que mes personnages soient hauts en couleur et en même temps variés pour former un petit peu une famille un peu étrange et alambiquée. C'est d'ailleurs l'un des sous-textes du livre, c'est vraiment la recherche de la famille. Ils ont tous un manque dans les leurs, et ils cherchent quelque chose. Et c'est par les autres qu'ils vont la trouver. Et en même temps, le deuxième point qui a fait que j'ai voulu des personnages en couleur, c'est aussi l'un de mes autres modèles d'inspiration, à savoir les sagas Final Fantasy, les sagas de jeux vidéo, qui montrent à chaque fois justement des personnages en couleur, des personnages très différents, qui se rassemblent et qui s'unissent pour un objectif commun. Et quand je voyais justement ces personnages-là, quand je les voyais évoluer, qui justement créaient une alchimie parfaite dans leur groupe, je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais accomplir. D'accord. Donc, le personnage de Lucie, au début du roman, avant que la véritable aventure commence, elle travaille en tant que restauratrice d'œuvres d'art. En lisant les passages où elle travaille donc en tant que restauratrice, nous voyons que vous savez de quoi vous parlez. Avez-vous fait des études là-dedans ? Eh bien, je suis détenteur d'un master en archéologie. D'accord. Et je me suis... Donc, certes, ça ne couvre pas l'intégralité du domaine, mais j'ai également fait énormément de recherches. C'est d'ailleurs une des parties les plus intéressantes, je trouve, du métier d'écrivain. C'est celui de chercher, de découvrir, d'aller rencontrer des gens pour qu'ils nous expliquent un petit peu les facettes de leur métier, de leur vie, de leur point de vue, pour qu'on puisse ainsi mieux retranscrire ces idées-là, dans les livres. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé et qui en plus faisait partie de domaines que je connaissais déjà. Je suis un grand féru d'histoire en général, donc la restauration d'œuvres d'art était quelque chose qui m'avait intrigué et j'avais pu rencontrer plusieurs personnes qui le faisaient professionnellement et qui m'ont pu m'aider dans la réalisation de cet écrit et ainsi que dans la compréhension de leur propre travail. D'accord. Nous comprenons également assez logiquement que chacun des personnages aura un rôle à jouer dans l'histoire, voire même que ces personnages vont se réunir pour mener à bien une ou plusieurs actions, avec chacun un domaine de prédilection, et qu'ils vont se souder et former une équipe où chacun mettra à profit sa spécialité. Je pense ici que c'était là clairement votre but. Oui, je ne vais pas m'en cacher, je ne suis pas non plus quelqu'un de particulièrement subtil et sournois. C'était clairement l'objectif à la base. Il fallait que... il faut, dans une histoire, dans une fiction, un personnage n'est avant tout qu'un outil. C'est un moteur scénaristique qui va faire avancer l'intrigue. Mmh. Après, plus on le développe, plus il devient humain, et c'est ça qui le rend attachant. Si le personnage est cantonné à son rôle d'outil, on s'en lasse très vite et on l'oublie. C'est vrai que tous les personnages sont des outils qui ont leur intérêt, mais je voulais qu'ils puissent faire avancer le récit. C'est la motivation de tout écrivain quand il crée ses personnages. Créer un personnage inutile est souvent plus un fardeau qu'autre chose. Oui, d'accord. En parlant des personnages, vers quel personnage vous vous identifiez le plus ? Oh, alors, la réponse est double. D'accord. Parce que physiquement, même si lui a plus de muscles et de colère, je suis plus proche d'un Soren que des autres. Mais au niveau de la mentalité, au niveau de la psychologie, je suis beaucoup plus proche de Lucie, que j'apprécie tout particulièrement. Je pense que ça s'est peut-être un petit peu remarqué aussi dans le récit. Mais voilà, je pense que c'est de ces deux-là dans lesquels je me rapproche le plus. Après, tous les personnages ont un petit peu une part de moi-même. Ils ont tous un petit peu une petite essence qui fait que ils sont un peu des déclinaisons partielle de ma psyché et ça leur donne un côté humain et ça me permet moi très facilement de m'identifier, mais ça permet aussi à beaucoup de gens de se les approprier, de se les imaginer et de les apprécier à leur juste valeur. D'accord. Donc pour continuer dans les personnages, derrière son sourire et sa gentillesse, le personnage de Lucie, justement, cache finalement un lourd secret dont elle ne veut pas forcément parler, sa mère. Oui. Alors en fait, c'est pas vraiment sa mère son secret, c'est plutôt l'absence de ses parents. J'ai pris une liberté par rapport à la réalité en la mettant orpheline et en la plaçant dans un orphelinat catholique, puisque de nos jours, les orphelins français sont placés sous l'égide des pupilles de la nation. Donc c'est laïque et non religieux, mais j'ai pris la liberté de modifier un petit peu ça. Mais oui, Lucie, en fait, est hantée par l'absence de ses parents et qui a toujours voulu les retrouver, qui a toujours voulu savoir ce qui s'était vraiment passé. Le jour où elle l'apprendra, ce sera à la fois un électrochoc et en même temps une grande déception parce qu'elle va se rendre compte que, on m'a privé de mon enfance, mais on m'a également privé de tout ça. Et je ne sais pas si j'en ai vraiment envie, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment, c'est à la fois un fardeau et en même temps un objectif. une lueur dans les ténèbres qui la guide. Justement, dans un de ses rêves au début du roman, elle croit voir sa mère, qui la dépose dans un couvent. Oui, elle croit la voir, et justement, c'est l'un des apports fantastiques, c'est qu'elle croit aussi que sa mère la voit, elle, observatrice de cette scène, comme si c'était un souvenir partagé, ou une sorte de vision, mais ça, elle n'en sera jamais sûre, sauf vers la fin du roman, lorsqu'elle aura vraiment compris tous les tenants et aboutissants de la situation. Mais oui, c'est vraiment... Cette scène-là, ça a été l'une de mes favorites à écrire, je dois l'avouer. Parce que ça me permettait déjà d'explorer beaucoup toute la psychologie de Lucie, tout son passé, et en même temps de mettre un peu de drame, un peu d'emphase envers elle, de permettre au lecteur de comprendre un petit peu ses souffrances et sa peine vis-à-vis de ses origines. D'accord. Donc je vous propose tout de suite que nous nous lançons dans une deuxième pause musicale. Nous allons écouter Kissing Dynamite avec Love Me, Hate Me, et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Kissing Dynamite avec Love Me, Hate Me. Donc, même question que pour la première pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? Oh, celle-ci, alors si j'avais vraiment choisi toutes les chansons qui m'avaient inspiré, je pense que j'aurais fait fuir la moitié de l'auditoire. D'accord. Non, celle-ci, c'est juste que j'ai découvert le groupe il y a peu de temps et qu'elle m'a vraiment marqué par son côté à la fois abordable, à la fois entraînant et puissant. Je n'ai pas encore eu le temps d'étudier toutes les paroles, donc je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi, mais c'est juste que c'est une chanson qui me motive et que j'apprécie particulièrement. D'accord. Donc, pour rentrer un peu plus dans le côté fantastique du roman, donc ce côté fantastique apparaît vraiment dans le chapitre 5, intitulé Sirène danoise, dans lequel le personnage de Soren croit voir et entendre, ou, on ne sait pas, a vu et entendu des choses étranges. Pourquoi avoir attendu si longtemps, entre guillemets, pour vraiment que le côté fantastique se fasse ressentir? Parce que je voulais un petit peu une gradation. Et comme je l'ai dit déjà, je ne suis pas des plus subtils. Donc, j'avais commencé vraiment par disséminer de très légers indices dans les premiers chapitres, des éléments vraiment subtils qui pourraient passer inaperçus. Et à partir du chapitre 5, j'ai passé à la vitesse supérieure et on commence vraiment à se... Les personnages commencent vraiment à vivre les événements qui leur font se poser des questions. Et ça va avec l'avancée de la situation politique mondiale qui s'accélère également à partir de là. Donc j'avais vraiment voulu à partir de là commencer à entrer dedans, après avoir introduit les personnages, après avoir posé un peu le décor, expliquer, montrer au lecteur que ça y est, ça commence. D'accord. Et donc justement, ce côté fantastique continue dans le chapitre 6, donc le chapitre suivant intitulé Revers de médaille, avec le personnage de Amanda, où nous voyons qu'il peut disparaître du regard de ses adversaires. Donc nous voyons clairement que vous avez voulu donner à chaque personnage des capacités et des pouvoirs chacun différents. Donc pourquoi avoir donné des pouvoirs chacun différents à chaque personnage? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'était pour leur donner à tous un peu une unicité, D'accord. même si certains ont des capacités qui sont un peu similaires. Je pense aux personnages qui arrivent beaucoup plus tard de Judith et de Soren, qui sont tous les deux d'excellents combattants. Mais je voulais vraiment que tous les personnages soient vraiment uniques. Et ça vient aussi de leurs origines, de leurs ascendants mythologiques justement, qui ont fait que on hérite toujours d'une partie des traits de caractéristiques de ses parents. Et donc il y avait forcément un lien à faire avec ça. Et par le biais de ces, par l'expression de ces pouvoirs, j'ai donc retranscrit aussi un petit peu l'affiliation avec leurs parents, de manière à ce que le lecteur puisse commencer à deviner, à avoir des indices, à préparer le terrain pour les révélations à venir. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, ces deux chapitres, ainsi que les chapitres suivants, constituent réellement l'introduction du fantastique dans le roman. Et c'est grâce à ces chapitres que nous comprenons que l'histoire va prendre une toute autre tournure. Je pense ici que c'était votre but de nous faire comprendre cela. C'était clairement assumé. J'avais vraiment pour objectif de commencer en douceur avant de faire s'enchaîner les péripéties à un rythme beaucoup plus soutenu afin de retranscrire l'histoire que j'avais en tête, D'accord. qui n'est pas des plus douces, je dois l'avouer. Peut-on dire que le passage de Lucie dans les catacombes est comme un reflet de son futur très proche, notamment grâce aux personnages faits de nuages et aux personnages d'ombre qui font des actions refaites par des humains un peu plus loin? Tout à fait, c'était le. En plus, c'était involontaire D'accord. à la base, mais je voulais vraiment que ce personnage de lumière et de nuage, que Lucie prénomme Auguste, je voulais vraiment qu'Auguste soit la première touche de mentor que Lucie aurait et qu'elle perdrait très vite pour le début de ce récit. Et c'est vrai que ce passage-là était le reflet en même temps de la descente aux enfers que vit Lucie durant ce chapitre, Tout à et fait. en même temps de sa remontée une fois que celui-ci est terminé. D'accord. Ah oui, donc c'était toute une métaphore, les catacombes, l'enfer, et quand elle sort des catacombes, la terre, le jour. C'est D'accord. ça, la résurrection, mais la résurrection à la fois en même temps salie, parce qu'on, j'avais pu participer avec deux, trois expéditions avec les catas, donc les fans des catacombes qui explorent vraiment comme des aventuriers des temps modernes, les catacombes, donc j'avais pu le faire une fois, et on ressort effectivement couvert de boue. Et donc justement, on ressort de cette expérience, on en ressort sali, mais ces traces sont également l'expérience qu'on a acquise. Donc c'est, pour Lucie, c'est un moyen d'avoir grandi. D'accord. Avec les descriptions de l'état des personnages, de leur physique, ou même des créatures surnaturelles apparaissant dans le roman, nous arrivons à visualiser ces personnages et ces créatures. Était-ce votre but ? Oui, clairement. Je dois avouer que l'un de mes gros défauts dans l'écriture reste les descriptions. C'est vraiment les moments où j'ai le plus de difficultés. Mais c'était en même temps un objectif de vraiment permettre au lecteur de visualiser les personnages et les situations. Moi-même qui avais des visuels assez clairs, qui avait dans ma tête vraiment des images de tous et toutes, j'avais vraiment envie que les lecteurs partagent ces images tout en se les appropriant un petit peu. Je reste un peu évasif sur certains points qui permettent ainsi au lecteur de s'imaginer Lucie avec tel ou tel détail supplémentaire ou de peaufiner le visage de telle ou telle façon, à ce que chacun puisse s'approprier en même temps le personnage. D'accord. Donc comme nous le disons depuis le début de cette émission, chaque personnage possède donc en lui une part qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il se retrouve en quelque sorte projeté dans quelque chose qu'il n'avait jamais demandé. Oui. C'est même d'ailleurs la deuxième référence au titre du livre, Destinée manifeste, outre la référence à la doctrine américaine qui voulait étendre toujours la conquête plus loin vers l'ouest, et là qui est reprise par les Brésiliens toujours plus loin vers le nord. C'est également en même temps cette volonté de montrer que les personnages ont le pied dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce à quoi ils pouvaient s'attendre, et donc qu'ils vont avoir un rôle à jouer, qu'ils vont avoir vraiment toute cette implication dans un ordre cosmique, tout en mettant en parallèle avec le personnage de Mathieu, l'humain au centre. Parce que, en fin de compte, ce sera notamment dans le deuxième tome que ça se découvrira plus, Mathieu a toute son importance et a tout un rôle à jouer qui met l'humain vraiment au centre de cette fresque. D'accord. Pour avoir des renseignements et des informations sur les parents des personnages principaux, par exemple, pour en citer quelques-uns, Sun Wukong, Sobek, Athéna, etc. Avez-vous fait des recherches ou vous intéressez-vous à ce domaine, donc le domaine mythologique, depuis toujours ? Vous êtes-vous appuyé sur des séries dans lesquelles ils sont abordés ? Alors, oui à tout ça. Je suis un grand passionné de mythologie et donc je me suis énormément renseigné, mais également beaucoup d'éléments, de séries, de films, de livres, de jeux vidéo même, il y en a certains qui sont assez bien documentés. Bref, énormément de ces informations m'ont permis de choisir les divinités qui ont un impact sur le monde. Et en même temps, ça m'a permis de... J'ai quand même beaucoup approfondi le sujet par les lectures, par les études des différents mythes et des différentes mythologies qui parsèment la Terre. Je ne vous recommande pas forcément d'étudier la mythologie hindoue, c'est très très complexe et même moi j'ai décroché. Mais voilà, c'était vraiment il y avait vraiment à la fois cette passion et à la fois cette volonté d'approfondir, de rechercher et d'en découvrir toujours plus. D'accord, donc pour citer quelques sources d'inspiration. Eh bien, alors au niveau des sources d'inspiration, outre ma passion inhérente là-dedans, je dirais, alors une qui est très bien, c'est le livre La mythologie viking de Neil Gaiman, qui est une très bonne retranscription et renarration des principaux mythes scandinaves. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui en même temps permettent de comprendre un petit peu la psychologie des dieux. Il y a également le très bon roman American Gods, aussi de Neil Gaiman, qui est assez similaire en soi à ce que j'ai écrit, mais je l'ai lu après avoir écrit le roman, donc d'accord, c'est de l'inspiration à titre postérieur. Il y a également le jeu de rôle Sion, qui est un jeu de rôle qui permet, comme dans le roman, d'incarner des demi-dieux, donc qui c'est aussi une source d'inspiration. Et enfin, pour Le dernier que je citerai ici, c'est assez complexe de choisir parmi toutes celles qu'il y a. J'avoue que j'ai un trou ici parce que je me suis beaucoup. Il y a beaucoup, je dirais, je pourrais citer facilement les sagas et les Eddas scandinaves qui sont particulièrement, parfois difficiles, mais toujours intéressantes à lire. D'accord. Donc je citerai ça vraiment en dernier, de manière à indiquer les auditeurs vers différentes lectures. D'accord. Parce que, personnellement, étant un grand fan de cinéma, de séries télévisées, j'ai cru reconnaître des inspirations relevant de la série Supernatural. Effectivement. Alors, je l'avais regardé il y a longtemps et j'avais même arrêté pendant un moment. Mais oui, la série Supernatural a un petit peu ce côté road trip baroudeur, avec des personnages jouant en couleur également, qui me plaisait. Donc oui, c'est une des sources d'inspiration. Après, je ne pense pas qu'elle soit sur les domaines plus particulièrement mythologiques, mais plus sur l'ambiance, notamment dans certaines saisons avec des ambiances très apocalyptiques, oui. Des courses contre la montre. Donc je pense que c'est plus sur cette ambiance-là que je me suis basé vis-à-vis de la série. D'accord. Donc tout à l'heure, nous parlions des différents pouvoirs des différents personnages. Comment vous est venue l'idée de ces pouvoirs en particulier pour vos personnages ? Oh, excellente question. Je me suis dit qu'il fallait quelque chose qui reflète en même temps leur caractère. Lucie est liée à, malgré le fait qu'elle soit liée à Athéna, qui est la déesse de la sagesse, de la stratégie, des arts et des artisans, elle est beaucoup plus liée à la lumière, parce que c'est une personne qui, au fond d'elle, est fondamentalement douce, gentille et altruiste, malgré la difficulté que ça peut imposer dans ce monde. Donc c'est quelqu'un qui justement tire les autres vers la grandeur, vers le fait de devenir meilleur. Donc j'avais vraiment voulu qu'elle soit un incarnat de lumière, un phare au milieu de tout ce marasme de guerriers. Soren, par contre, lui, pour parler de lui, est plus l'aspect vraiment combattant et impulsif, vengeur, enragé, mais également qui se calme très vite, comme peut l'être un coup de tonnerre, un éclair qui frapperait le sol. Et je vais parler d'un dernier qu'on n'a pas encore mentionné ici, à savoir la petite Mizushi, qui elle, donc jeune japonaise, qui elle par contre est tout le côté plus aventurier, plus rocambolesque, celle qui veut découvrir le monde, celle qui veut explorer, qui veut vivre des aventures, mais qui en même temps se rend compte que les aventures, c'est pas forcément adapté aux lycéens. D'accord. Et donc qui doit faire en sorte, qui doit s'adapter, qui doit se transformer au fil du récit, et en même temps rassurer les autres par sa bonhomie et son enthousiasme. D'accord. Donc je propose que nous nous lancions dans une troisième et dernière pause musicale. Nous allons écouter une autre chanson du groupe Sabaton. Ça va être 82 Seconds All The Way, et on se retrouve juste après. In the draft of 1917, a man from Tennessee, overseas to the trenches he went, from the land of the free. Hell, they are gone, not able to be. Enter the war from over the sea. to the USA. It's 80 Cent and all the way. And from above, what they now say. What song in York achieved that day? Echoes from France to the USA. It's 80 Cent and all. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Sabaton avec 82 Seconds of the Way. Donc, une nouvelle fois, toujours la même question. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? Elle est aussi sur le dernier album du groupe, tout comme Seven Pillars of Wisdom juste avant. Et c'est aussi une des chansons qui m'a beaucoup inspiré. Et il s'avère en plus qu'il y a une autre raison que j'ai découvert vraiment il y a quelques jours, enfin quelques semaines plutôt. Cette chanson a un côté... Dans sa réalisation et dans le clip musical qui a été réalisé, qui est disponible sur Internet, qui en fait vraiment un générique de dessin animé de super-héros. D'accord. Les vieux dessins animés des années 80, les premiers dessins animés avec de l'animation très, très légère. Et l'une des critiques, l'un des retours que j'ai le plus souvent, c'est la comparaison justement avec Marvel, avec les super-héros de cet univers. Et donc j'en suis venu à remarquer que justement le fait que j'aime beaucoup cette chanson et qu'elle ait ce côté super-héroïque collait très bien avec l'univers du roman, avec le récit. D'accord. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions du personnage de Mizushi qui apparaît dans le chapitre 12. Nous nous doutons du rôle qu'elle aura joué et de qui elle est, mais justement pouvez-vous nous parler un peu plus de ce personnage qui arrive assez tardivement, par rapport aux autres personnages ? Oui, en effet. Alors, le fait qu'elle arrive tardivement, ainsi que d'autres personnages qui arrivent plus tard dans le récit, c'est que je ne voulais pas qu'ils soient tous réunis à la minute 1. D'accord. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vient des Final Fantasy, où on voit des personnages, même très importants, qui arrivent vers le milieu de l'aventure. Donc je voulais vraiment qu'elle arrive, enfin que des personnages arrivent plus tard, et elle était l'une des candidates parfaites pour ça. Et en plus, il fallait justifier sa présence, parce que elle est la belle-fille de l'ambassadeur japonais aux États-Unis. Il fallait quand même qu'on trouve un moyen de justifier sa présence. Et le passage à Washington joue parfaitement ce rôle, vu que c'est à Washington que se trouve l'ambassade du Japon. D'accord. Mizushi, dans le roman, c'est le personnage le plus jeune de tous les personnages. Était-ce également pour... montrer une certaine part d'innocence plus ou moins reconnue dans le roman ? Tout à fait. Alors là, vous venez de révéler un des éléments du deuxième tome, mais qui n'est pas un des éléments majeurs, je rassure tout de suite l'auditoire. En effet, Mizushi incarne l'innocence que les personnages cherchent à défendre. Elle est la part de douceur, elle est la part d'enfant, de jeune qui demeure en chacun de nous, et qu'il nous faut préserver, celle qui s'émerveille encore devant un peu tout, celle qui est toujours partante pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles expériences, celle qui nous pousse justement à chercher l'émerveillement et à chercher le rêve et l'imaginaire, même dans une société où la science tend à tout rationaliser. D'accord. À l'intérieur de votre roman, était-ce un objectif pour vous de faire voyager le lecteur tout en restant dans son salon ? Oui. Ça rejoint aussi ce que je disais sur Mizushi. En fait, l'un de mes objectifs en tant qu'auteur, c'est de faire redécouvrir, de redonner l'envie aux gens de rêver, de redonner un goût à l'imaginaire. Comme je le disais, on est dans une société où la science fait des progrès formidables et où on explique de plus en plus de choses. Mais justement, le fait de tout expliquer finit à rendre ce monde un peu sans saveur, parce qu'on ne, on n'a plus de choses qui nous font rêver, on ne se permet plus de s'imaginer telle ou telle fantaisie dans notre univers. Et justement, je veux permettre aux lecteurs, je veux offrir un petit peu aux autres ce loisir de rêver, d'imaginer, de découvrir, avec un accès assez facile. C'est vrai que c'est un livre, c'est facile à se procurer, c'est facile à transporter avec soi, on peut le lire partout. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment cet objectif de donner du rêve à emporter. D'accord. Dans le roman, un peu plus loin, nous rencontrons des nains, ces fameuses petites créatures qu'on visualise souvent comme des petites personnes barbues, cheveux longs avec les grosses haches. Pourquoi avoir fait apparaître ces créatures fantastiques dans votre roman ? Était-ce pour marquer davantage ce côté fantastique et presque féerique, ou la raison était-elle toute autre ? Alors, il y avait ça également, en effet. Il y avait aussi le fait que les nains sont une des créatures qui ont un rôle très important dans les sagas scandinaves. Mmh. Ce sont des nains qui ont forgé toutes les armes des dieux, le marteau de Thor, la lance d'Odin, etc., etc. Donc, je voulais ainsi ancrer vraiment le livre dans les mythologies qui ont parsemé la Terre. La deuxième raison, c'est que j'aime beaucoup les nains. J'aime vraiment ce peuple que Tolkien a réussi à vraiment transcender, à vraiment redécrire et réinventer. Donc, j'aime vraiment cette civilisation. Et enfin, la dernière raison, c'est que, et là c'est une raison qui est vraiment propre à l'univers, c'est que je voulais montrer aussi que les changements du monde, l'évolution de notre société, n'a pas été propre qu'aux humains. Et qu'ainsi, tous les peuples mythologiques, qui existent, qui fuient dissimulés aux yeux des hommes, ont aussi évolué. Et que donc, dans les grandes migrations qui ont touché l'Europe vers le Nouveau Monde, eh bien, il n'y a pas que des humains qui sont partis coloniser l'Amérique, il y a également des nains, des alfes et autres créatures mythologiques qui peuplent un peu partout sur la Terre, et qu'ainsi on pourrait retrouver une gorgone à Seattle ou bien un minotaure au Japon. D'accord. D'ailleurs, en parlant des nains et de leur monde, plus qu'une ville, on pourrait dire que l'endroit où habitent les nains est presque un monde totalement à part du monde des humains. Oui, c'était aussi les faire chercher. Je voulais montrer que même si ils évoluaient comme l'humanité, même si certains voyaient les hommes et donc savaient un petit peu dans quel sens ça allait, ils évoluaient, mais en même temps, ils évoluaient à leur façon. Ils gardaient leurs traditions, ils gardaient leur savoir-faire et leur patrimoine pour ainsi se moderniser à leur façon et rester proches d'eux-mêmes, tout en entrant dans la société moderne. Et puis, c'est aussi quelque chose qui m'énerve un petit peu dans d'autres univers, c'est de voir les nains qui refusent d'évoluer, alors que ils sont souvent dépeints comme des ingénieurs particulièrement brillants. Alors, pourquoi ne pas donner un fusil d'assaut à un nain ? Il serait ravi de pouvoir l'améliorer. Bien sûr. Nous notons également plusieurs références musicales, comme nous le disons tout à l'heure, comme Iron Curtain ou encore Sabaton tout à l'heure. Vous remerciez d'ailleurs ce dernier groupe dans les remerciements pour vous avoir autorisé à les citer. Vous dites d'ailleurs que ce sont en partie leurs albums qui vous ont inspiré. Nous nous doutons donc assez facilement que vous êtes un grand fan de ces groupes. Vouliez-vous leur rendre un certain hommage en les citant ? D'une certaine façon, oui. Parce qu'on trouve beaucoup d'hommages à différents acteurs de la pop culture, que ce soit dans du cinéma, du jeu vidéo, etc., dans d'autres médias. Et justement, d'une certaine façon, si je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice, ça ne pouvait pas faire de mal. Après, si un bon gros délire de fan, je ne cache pas du tout cet aspect-là et je plaide coupable. D'accord. Dans ce roman, vous donnez des descriptions de lieux abstraits dont nous ne savons pas vraiment s'ils ressemblent à votre description ou même s'ils existent. Je prends l'exemple parfait et qui parlera à tous nos auditeurs, les enfers. Pourquoi avoir fait le choix de décrire ces lieux de la sorte ? Alors, il y a les quelques descriptions qu'on en a dans certains mythes ou dans certains textes, notamment des enfers grecs, et des enfers même païens, mythologiques, font qu'en fait les enfers étaient souvent des lieux froids, des lieux vraiment glacés. ce n'est que la chrétienté et le monothéisme qui a décrit l'enfer comme un lieu brûlant. Donc je voulais retranscrire cette ambiance-là avec les brumes toujours présentes, ce côté, ces lueurs un peu violacées, un petit peu de couleur froide, à l'exception des Champs-Élysées qui, eux, par contre, rayonnent des lumières de la fête. Je voulais vraiment retranscrire cet aspect-là. Et comme, en même temps, il n'y a pas beaucoup de descriptions qui en sont faites, je me suis permis certaines libertés afin d'ainsi vraiment me faire plaisir et faire plaisir au lecteur tout en y retranscrivant une vision que je pense qui ne dérangerait personne. D'accord. Comme d'ailleurs, vous parlez donc dans Les Enfers du personnage de Caron ou Charon. Caron, oui. Oui, Caron, pardon. Vous le décrivez comme quelqu'un qui parle un peu de façon jeune, entre guillemets. Non, en fait, il s'agit je voulais lui donner une sorte d'accent, vu que... D'accord. Je voulais vraiment l'ancrer aussi, faire en sorte que comme si Caron avait vraiment... Le personnage, l'humain, avait vraiment existé, qu'il avait grandi sur Terre, vécu et qu'il était mort, et qu'Hadès lui avait donné ainsi un job, après son trépas. Et ainsi, je voulais retranscrire un petit peu le côté phénicien qu'il pouvait y avoir. Et aussi, à la base, c'était une grosse blague que j'avais voulu faire, et que j'ai un peu modifié pour éviter juste d'insulter certaines personnes. Donc, j'ai vraiment voulu retranscrire un petit peu ce côté, j'ai voulu donner un ton un peu plus oriental. D'accord. C'est logique, vu que la Phénicie était très influencée par la culture hellène, et que donc, il est normal d'avoir des personnes avec un accent un petit peu plus prononcé d'origine phénicienne. D'accord, donc c'était vraiment un objectif de diversifier les origines des personnages. Effectivement, et également humoristique. Ça n'a pour vocation qu'à être une blague. D'accord. Finalement, pour conclure, peut-on dire que les héros de votre roman sont des humains ordinaires, tout est relatif bien sûr, à qui il arrive des choses extraordinaires ? Oui et non, oui, parce que ce sont, littéralement, ils viennent tous de milieux différents, et ça aurait pu être n'importe qui, vous comme moi, mais en même temps non, vu qu'ils ont... cette ascendance et ces capacités qui les mettent au-dessus de la moyenne. Le seul qui correspond vraiment à cette définition-là, c'est Mathieu. Mmh. Mathieu qui n'est qu'un humain, comme il aime à le dire, mon père ne sait manier ni la foudre ni le tonnerre, à la limite le saucisson. Oui. Mais c'est vraiment un humain et c'est vraiment lui. J'avais vraiment pour objectif de vraiment permettre au lecteur, s'il devait ne s'identifier qu'à un seul personnage, ce serait lui, à savoir l'humain lambda qui se retrouve embarqué dans toute cette aventure et qui est lui, par contre, transporté dans des milieux extraordinaires auxquels il n'aurait normalement pas sa place, mais il s'y fait, il s'y adapte, un petit peu comme l'homme face aux différents mythes qu'on lui racontait et la place qu'il pouvait prendre au milieu de ceci. D'accord. Donc nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Si nous voulons acheter votre livre, où pouvons-nous nous rendre ? Alors, comme j'aime à dire, j'ai vendu l'âme que je n'ai pas parce que je suis roux à Amazon. Il est disponible donc sur le site Amazon, en impression à la demande. Vous avez juste à le commander et il vous parviendra en quelques jours. D'accord. Un dernier mot peut-être avant de conclure cette émission ? Un dernier mot, c'est toujours les plus compliqués. Je dirais simplement... j'espère que le livre vous plaira et je vous invite, quel que soit votre l'univers que vous affectionnez, à rester ouvert à l'imaginaire et à rêver, quelles que soient les circonstances. Donc c'est ainsi que se termine ce troisième numéro de À la rencontre d'auteurs. Je remercie une nouvelle fois Gauthier Durieux de Madron d'avoir accepté notre invitation. Dans le quatrième numéro que vous entendrez le mois prochain, nous rencontrerons Sophie Villers pour son roman « N'oublie pas de laisser la place à l'inconnu ». Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radioguimozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimozo. Et on se retrouve donc le mois prochain pour une prochaine rencontre. Et en attendant, lisez des livres, littérairement.